sol pa di manye Mèm rete ma pasyonè Mèm vinge chagrin Lèl vin yo tounè Pete mchiri Ak espoa fè pa mouri Na batan pou nou rekonsilye San reta pou nou magye Na batan pou nou rekonsilye San reta pou nou magye Bébé, que moi remè l'ivine pati, sol pa di manye. De me rete ma passionné, me n'y chagrin. Me vin retourne, me dièm chéri. Par espoir, fè pa mouri. N'a pas tant pour me réconcilier, sans retard pour nous marier. N'a pas tant pour me réconcilier, sans retard pour nous marier. Ça réglé, bas sorti pour bêtiser. C'est quand même un pour nous marier. Tita, mais nous fin marier. Poulier à ces belles bagailles, Tita. N'a sorti l'église. Poulier à ces belles bagailles, Tita. Toute famille contente. Poulier à ces belles bagailles. Depuis tout temps, t'es v'lais maguer. C'est vraiment qui t'a.